7. Le monopole temporaire. Lu par Yann G. Le monopole temporaire. Au moment où les notions de droit d'auteur et de brevet s'imposent, au cours du XIXe siècle, certains plaident donc pour une propriété à perpétuité. En termes économiques, c'est un moyen de rendre excluable un bien public. La loi garantit au propriétaire le droit d'exclure qui il le désire de la consommation du bien public qu'il a produit. A contrario, certaines voix s'élèvent contre toute velléité de nier la nature même de la création, qui est de se diffuser le plus largement possible. C'est le cas du socialiste Louis Blanc, qui juge indigne qu'un auteur obtienne une quelconque propriété sur sa création. Il pousse même sa logique en affirmant que, si la valeur d'une œuvre est liée à sa diffusion, alors reconnaître au profit de l'individu un droit de propriété littéraire, ce n'est pas seulement nuire à la société, c'est la voler. Mais comment pourra vivre un auteur ? Comme Rousseau, qui copiait de la musique pour vivre et faisait des livres pour instruire les hommes. Telle doit être l'existence de tout homme de lettres digne de ce nom. Il y adjoint l'idée d'un système de librairie sociale, où des comités de sages sélectionneraient des œuvres et où l'État assumerait la rémunération des auteurs et des éditeurs. Selon Louis Blanc, soit le créateur est purement désintéressé, soit il doit s'en remettre à l'État pour lui assurer une rémunération. Le modèle qu'il propose est de fait tout aussi excessif que celui des tenants de la propriété intellectuelle absolue. La liberté de création aurait tout à perdre de passer ainsi sous le contrôle de l'État, et parier sur le pur désintéressement est à coup sûr forcer les auteurs et inventeurs à courir les boulots alimentaires pour survivre. Heureusement, telle n'est pas la propriété intellectuelle aujourd'hui. Sa nature complexe a été dès l'origine prise en compte par les législateurs et c'est la solution d'accorder un droit de propriété temporaire et limité dans le temps qui a été retenue comme moyen de concilier la propriété de l'auteur et celle de la société. Ceci afin d'établir une sorte de règlement de copropriété sur les œuvres de l'esprit. En 1991, la loi française sur le droit d'auteur concède au créateur une propriété exclusive sur ses œuvres durant toute sa vie, et 5 ans après sa mort. Mais après, une fois dans le domaine public, elle retrouve sa nature de propriété collective appartenant à tous. On ne possède pas une maison comme on possède une mine, une forêt, comme un littoral, un cours d'eau comme un champ. La propriété est limitée selon que l'objet appartient, dans une mesure plus ou moins grande, à l'intérêt général. Eh bien, la propriété littéraire appartient plus que tout autre à l'intérêt général. Elle doit subir aussi des limites, déclare Victor Hugo à la tribune du Congrès littéraire international. Cette limite, on la retrouve aussi dans le cas des brevets. Aux États-Unis, au moment où Jefferson officie, les inventeurs se voient garantir un droit exclusif sur leurs inventions pendant 14 ans. Le mécanisme se veut équilibré et vise à concilier une protection temporaire de l'inventeur pour l'inciter à innover et la plus large diffusion possible de l'invention. Le brevet d'invention temporaire et la concurrence, agissant l'un sur l'autre comme deux cylindres qui tournent en sens inverse, entretiennent le travail et engendrent le progrès, estime Proudhon. Cette propriété limitée dans le temps prend acte d'une évidence. Il n'est rien de moins naturel que le droit dont dispose un créateur sur son œuvre. Il s'agit ici de lui accorder un monopole temporaire, garanti par l'État. Ce droit ne peut être qu'un compromis défini par la collectivité. Et comme tout compromis, il est en permanence sujet à controverse. Victor Hugo, encore, qui expliquera les motifs pour lesquels, dans tous les pays civilisés, la législation attribue à l'héritier, après la mort de son auteur, un laps de temps variable pendant lequel l'héritier, absolu maître de l'œuvre, peut la publier ou ne pas la publier. Qui expliquera l'écart que les diverses législations ont mis entre la mort de l'auteur et l'entrée en possession du domaine public ? Pour lui, il s'agit de détruire cette capricieuse et bizarre invention de législateur ignorant. L'agacement de Victor Hugo est de bon sens. Pourquoi 5 ans après la mort de l'auteur, ou 10 ans, ou 100 ans? Pour Auguste Charles Renoir, accorder aux héritiers des auteurs ou des inventeurs la propriété sur la création de leurs ancêtres, c'est déshériter à l'avance tous les inventeurs futurs. C'est vouloir que des essais entrevus par Papin envahissent et paralysent les inventions de Watt. On trouve bien sûr quelques arguments en faveur d'un droit transmissible, comme ceux avancés par l'économiste Frédéric Bastiat. Selon lui, une protection de courte durée aurait pour effet d'inciter les créateurs à écrire vite, à abandonner dans le sens de la vogue. Une propriété transmissible à sa descendance serait donc une incitation à la qualité. Un auteur serait puissamment encouragé à compléter, corriger, perfectionner son œuvre s'il pouvait dire à son fils « Il se peut que de mon vivant, ce livre ne soit pas apprécié, mais il fera son public par sa valeur propre. » Ce raisonnement ne repose en fait sur rien de concret. L'absence de droit d'auteur n'a jamais empêché l'émergence d'œuvres majeures, tout comme son allongement répété ces dernières années n'a réduit le nombre d'œuvres mineures. Le temps où Victor Hugo fustigeait les idées capricieuses et bizarres du législateur est loin. Établi à 5 ans à la fin du XVIIIe siècle, la protection conférée par le droit d'auteur est en France passée à 50 ans, post-mortem en 1866. Elle est aujourd'hui de 70 ans, après la mort de l'auteur. Les Américains ont, eux aussi, allongé le copyright. L'auteur bénéficiait à l'origine d'une protection de 14 ans, renouvelable une fois. En deux siècles, sa durée a été étendue 13 fois, pour atteindre, désormais, 70 ans après la mort de l'auteur.